Chapitre 2 De la nature du mystère. Il n'est rien de beau, de doux, de grand dans la vie que les choses mystérieuses. Les sentiments les plus merveilleux sont ceux qui nous agitent un peu confusément. La pudeur, l'amour chaste, l'amitié vertueuse sont pleins de secrets. On dirait que les cœurs qui s'aiment s'entendent à demi-mot et qu'ils ne sont que comme entr'ouverts. L'innocence, à son tour, qui n'est qu'une simple ignorance, n'est-elle pas le plus ineffable des mystères? L'enfance n'est si heureuse que parce qu'elle ne sait rien, la vieillesse si misérable que parce qu'elle sait tout. Heureusement pour elle, quand les mystères de la vie finissent, ceux de la mort commencent. S'il en est ainsi des sentiments, il en est ainsi des vertus. Les plus angéliques sont celles qui, découlant immédiatement de Dieu, telles que la charité, aiment à se cacher au regard, comme leur source. En passant au rapport de l'esprit, nous trouvons que les plaisirs de la pensée sont aussi des secrets. Le secret est d'une nature si divine que les premiers hommes de l'Asie ne parlaient que par symboles. À quelle science revient-on sans cesse ? À celle qui laisse toujours quelque chose à deviner et qui fixe nos regards sur une perspective infinie. Si nous nous égarons dans le désert, une sorte d'instinct nous fait éviter les plaines où tout est vu d'un coup d'œil. Nous allons chercher ces forêts, berceaux de la religion, ces forêts dont l'ombre, les bruits et le silence sont remplis de prodiges. Ces solitudes où les corbeaux et les abeilles nourrissaient les premiers pères de l'Église, et où ces saints hommes goûtaient tant de délices qu'ils s'écriaient « Seigneur, c'est assez, je mourrai de douceur si vous ne modérez ma joie ». Enfin, on ne s'arrête pas au pied d'un monument moderne dont l'origine est connue, mais que dans une île déserte, au milieu de l'océan, on trouve tout à coup une statue de bronze dont le bras déployé montre les régions où le soleil se couche, et dont la base soit chargée d'hiéroglyphes et rongée par la mer et le temps. Quelle source de méditation pour le voyageur! Tout est caché, tout est inconnu dans l'univers. L'homme lui-même n'est-il pas un étrange mystère? D'où part l'éclair que nous appelons existence? Et dans quelle nuit va-t-il s'éteindre? L'Éternel a placé la naissance et la mort sous la forme de deux fantômes voilés aux deux bouts de notre carrière. L'un produit l'inconcevable moment de notre vie, que l'autre s'empresse de dévorer. Il n'est donc point étonnant, d'après le penchant de l'homme au mystère, que les religions de tous les peuples aient eu leurs secrets impénétrables. Les seuls étudiaient les paroles prodigieuses des colombes de Dodone. L'Inde, la Perse, l'Éthiopie, la Scythie, les Gaules, la Scandinavie avaient leurs cavernes, leurs montagnes saintes, leurs chaînes sacrées où le brahmane, le mage, le gymnosophiste, le druide prononçaient l'oracle inexplicable des immortels. À Dieu ne plaise que nous voulions comparer ces mystères au mystère de la véritable religion, et les immuables profondeurs du souverain qui est dans le ciel, aux changeantes obscurités de ses dieux, ouvrage de la main des hommes. Nous avons seulement voulu faire remarquer qu'il n'y a point de religion sans mystère. Ce sont eux qui, avec le sacrifice, constituent essentiellement le culte. Dieu même est le grand secret de la nature. La divinité était voilée en Égypte, et le sphinx s'asseyait sur le seuil de ses temples. Chapitre 3 Des mystères chrétiens de la Trinité. On découvre, au premier coup d'œil, dans la partie des mystères, un grand avantage de la religion chrétienne sur les religions de l'Antiquité. Les mystères de celle-ci n'avaient aucun rapport avec l'homme, et ne formaient tout au plus qu'un sujet de réflexion pour le philosophe ou de chant pour le poète. Nos mystères, au contraire, s'adressent à nous. Ils contiennent les secrets de notre nature. Il ne s'agit plus d'un futile arrangement de nombres, mais du salut et du bonheur du genre humain. L'homme qui sent si bien chaque jour son ignorance et sa faiblesse pourrait-il rejeter les mystères de Jésus-Christ? Ce sont ceux des infortunés. La Trinité, premier mystère des chrétiens, ouvre un champ immense d'études philosophiques. Soit qu'on la considère dans les attributs de Dieu, soit qu'on recherche les vestiges de ce dogme autrefois répandu dans l'Orient. C'est une très méchante manière de raisonner que de rejeter ce qu'on ne peut comprendre. À partir des choses les plus simples dans la vie, il serait aisé de prouver que nous ignorons tout, et nous voulons pénétrer dans les ruses de la sagesse. La Trinité fut peut-être connue des Égyptiens. L'inscription grecque du grand obélisque du Cirque Majeur à Rome portait « Le grand Dieu, l'engendré de Dieu, le tout brillant, Apollon, l'esprit. » Héraclide de Pont et Porphyre rapportent un fameux oracle de Sérapis. Tout est Dieu dans l'origine, puis le Verbe et l'Esprit. Trois dieux engendrés ensemble et se réunissant dans un seul. Les mages avaient une espèce de trinité dans leur maîtrise. Oromasis et Araminis, ou Mitra, Oromaz et Aramine. Platon semble parler de ce dogme dans plusieurs endroits de ses ouvrages. Non seulement, dit Dacier, on prétend qu'il a connu le Verbe, Fils éternel de Dieu, on soutient même qu'il a connu le Saint-Esprit et qu'ainsi il a eu quelque idée de la très sainte Trinité, car il écrit au jeune Denis « Il faut que je déclare à Archédémus ce qui est beaucoup plus précieux et plus divin, et que vous avez grande envie de savoir puisque vous me l'avez envoyé exprès. Car, selon ce qu'il m'a dit, vous ne croyez pas que je vous ai suffisamment expliqué ce que je pense sur la nature du premier principe. Il faut vous l'écrire par énigme, afin que, si ma lettre est interceptée sur terre ou sur mer, celui qui la lira n'y puisse rien comprendre. Toutes choses sont autour de leur roi. Elles sont à cause de lui. Il est seul la cause des bonnes choses. Second pour les secondes et troisième pour les troisièmes. Dans l'Épinomis et ailleurs, il établit pour principe le premier bien, le Verbe ou l'entendement, et l'âme. Le premier bien, c'est Dieu. Le Verbe ou l'entendement, c'est le Fils de ce premier bien, qu'il a engendré, semblable à lui. Et l'âme, qui est le terme entre le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Platon avait emprunté cette doctrine de la Trinité de Timée de Locre, qui la tenait lui-même de l'école italique. Marcille Ficin, dans une de ses remarques sur Platon, montre, d'après Jean Blic, Porphyre, Platon et Maxime de Tyr, que les pythagoriciens connaissaient aussi l'excellence du ternaire. Pythagore l'a même indiqué dans ce symbole « Honorato in primis habitum, tribunal et trio bolum ». Aux Indes, la Trinité est connue. Ce que j'ai vu de plus marqué et de plus étonnant dans ce genre, dit le père Calmette, c'est un texte tiré de l'Amastambam, l'un de leurs livres. Il commence ainsi. Le Seigneur, le bien, le grand Dieu, dont sa bouche est la parole. Le terme dont ils se servent la personnifie. Il parle ensuite du Saint-Esprit en ces termes. Ventus eus spiritus perfectus, et finit par la création en l'attribuant à un seul Dieu. Au Tibet, voici ce que j'ai appris de la religion du Tibet. Ils appellent Dieu Konsyoza, et ils semblent avoir quelque idée de l'adorable Trinité, car tantôt ils le nomment Konsikosik, Dieu un, et tantôt Konsuksum, Dieu trin. Ils se servent d'une espèce de chapelet sur lequel ils prononcent ces paroles « Hom, Ha, Hum ». Lorsqu'on leur en demande l'explication, ils répondent que « Hom » signifie « intelligence » ou « bras », c'est-à-dire « puissance », que « Ha » est la parole, que « Hum » est le cœur ou l'amour, et que ces trois mots signifient « Dieu ». Les missionnaires anglais à Otaïti ont trouvé quelques traces de la Trinité parmi les dogmes religieux des habitants de cette île. Nous croyons d'ailleurs entrevoir dans la nature même une sorte de preuve physique de la Trinité. Elle est l'archétype de l'univers, ou si l'on veut, sa divine charpente. Ne serait-il pas possible que la forme extérieure et matérielle participât de l'arche intérieure et spirituelle qui la soutient, de même que Platon représentait les choses corporelles comme l'ombre des pensées de Dieu? Le nombre de trois semble être dans la nature le terme par excellence. Le trois n'est point engendré et engendre toutes les autres fractions, ce qui le faisait appeler le nombre sans mère par Pythagore. On peut découvrir quelques traditions obscures de la Trinité jusque dans les fables du polythéisme. Les Grâces l'avaient prise pour leur terme. Elle existait au Tartare pour la vie et la mort de l'homme et pour la vengeance céleste. Enfin, trois dieux frères composaient, en se réunissant, la puissance entière de l'univers. Les philosophes divisaient l'homme moral en trois parts, et les pères de l'Église ont cru retrouver l'image de la Trinité spirituelle dans l'âme de l'homme. « Si nous imposons silence à nos sens, dit Bossuet, et que nous nous renfermions pour un peu de temps au fond de notre âme, c'est-à-dire dans cette partie où la vérité se fait entendre. Nous y verrons quelque image de la Trinité que nous adorons. La pensée que nous sentons naître comme le germe de notre esprit, comme le fils de notre intelligence, nous donne quelque idée du Fils de Dieu conçu éternellement dans l'intelligence du Père Céleste. C'est pourquoi ce Fils de Dieu prend le nom de Verbe, afin que nous entendions qu'il naît dans le sein du Père, non comme naissent les corps, mais comme naît dans notre âme cette parole intérieure que nous y sentons quand nous contemplons la vérité. Mais la fécondité de notre esprit ne se termine pas à cette parole intérieure, à cette pensée intellectuelle, à cette image de la vérité qui se forme en nous. Nous aimons et cette parole intérieure et l'esprit où elle naît. Et en l'aimant, nous sentons en nous quelque chose qui ne nous est pas moins précieux que notre esprit et notre pensée, qui est le fruit de l'un et de l'autre, qui les unit, qui s'unit à eux, et ne fait avec eux qu'une même vie. Ainsi, autant qu'il se peut trouver de rapport entre Dieu et l'homme, ainsi, dis-je, se produit en Dieu l'amour éternel, qui sort du Père qui pense, et du Fils qui est sa pensée, pour faire avec lui et sa pensée une même nature, également heureuse et parfaite. Voilà un assez beau commentaire à propos d'un seul mot de la Genèse. Faisons l'homme. Tertullien, dans son apologétique, s'exprime ainsi sur le grand mystère de notre religion. Dieu a créé le monde par sa parole, sa raison et sa puissance. Vos philosophes même conviennent que Logos, le Verbe et la raison, est le créateur de l'univers. Les chrétiens ajoutent seulement que la propre substance du Verbe et de la raison, cette substance par laquelle Dieu a tout produit, est esprit. Que cette parole, ou le Verbe, a dû être prononcée par Dieu. Que Dieu, l'ayant prononcée, l'a engendrée. Que conséquemment, il est fils de Dieu. Et Dieu, à cause de l'unité de substance. Si le soleil prolonge un rayon, sa substance n'est pas séparée, mais étendue. Ainsi le Verbe est esprit d'un esprit, et Dieu de Dieu, comme une lumière allumée d'une autre lumière. Ainsi ce qui procède de Dieu est Dieu, et les deux, avec leur esprit, ne font qu'un, différentes en propriété, non en nombre, en ordre, non en nature. Le Fils est sorti de son principe sans le quitter. Or, ce rayon de Dieu est descendu dans le sein d'une vierge. Il s'est revêtu de chair, il s'est fait homme uni à Dieu. Cette chair, soutenue de l'esprit, se nourrit, croit, parle, enseigne, opère, c'est le Christ. cette démonstration de la Trinité peut être comprise par les esprits les plus simples. Il se faut souvenir que Tertullien parlait à des hommes qui persécutaient Jésus-Christ et qui n'auraient pas mieux aimé que de trouver moyen d'attaquer la doctrine et même la personne de ses défenseurs. Nous ne pousserons pas plus loin ces preuves et nous les abandonnons à ceux qui ont étudié la secte italique et la haute théologie chrétienne. Quant aux images qui soumettent à la faiblesse de nos sens le plus grand des mystères, nous avons peine à concevoir ce que le redoutable triangle de feu imprimé dans la nue peut avoir de ridicule en poésie. Le Père, sous la figure d'un vieillard, ancêtre majestueux des temps, ou représenté comme une effusion de lumière, serait-il donc une peinture si inférieure à celle de la mythologie ? N'est-ce pas une chose merveilleuse de voir l'Esprit Saint, l'Esprit sublime de Jéhovah, porté par l'emblème de la douceur, de l'amour et de l'innocence ? Dieu se sent-il travailler du besoin de semer sa parole ? L'Esprit n'est plus cette colombe qui couvrait les hommes de ses ailes de paix. C'est un verbe visible, c'est une langue de feu qui parle tous les dialectes de la terre et dont l'éloquence élève ou renverse des empires. Pour peindre le Fils divin, il nous suffira d'emprunter les paroles de celui qui le contempla dans sa gloire. « Il était assis sur un trône, » dit l'apôtre. Son visage brillait comme le soleil dans sa force, et ses pieds comme de l'airain fondu dans la fournaise. Ses yeux étaient deux flammes. Un glaive à deux tranchants sortait de sa bouche. Dans la main droite, il tenait sept étoiles. Dans la gauche, un livre scellé de sept sceaux. Un fleuve de lumière était devant ses lèvres. Les sept esprits de Dieu brillait devant lui comme sept lampes, et de son marchepied sortaient des voix, des foudres et des éclairs.